À midi un quart, la mer était pleine. Mais le brick ne bougea pas. Les travaux continuèrent pour fixer deux ancres. Mais John Mangles fit part de ses observations à Glenarvan. Il lui proposa de remettre au lendemain l'opération du renflouage. Mieux vaut agir en pleine lumière. Et demain, si je ne me trompe, la brise soufflera du nord-ouest. Le lendemain, à 9h du matin, le flot montait. L'heure approchait de tenter la grande opération. « Hardi, hardi !» cria le jeune capitaine. « Et de l'ensemble !» Quelques tressaillements se firent sentir dans la coque. Le brick parut prêt de se soulever. Mais ce fut tout. Le brick ne bougea pas.